Radio Centre-Ville diffuse conformément à la licence du CRTC sur la fréquence du 102,3 et au 88,3 sur le câble. Nos studios sont situés au 5212 Boulevard Saint-Laurent. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 514-495-2597. Par télécopieur, composez le 514-495-2429. Ou sur le web, www.radiocentreville.com. Toute l'équipe de Radio Centre-Ville vous souhaite une bonne écoute. Parfois, il est difficile de nous syntoniser sur l'île de Montréal. Maintenant, nous sommes omniprésents sur la planète. www.radiocentreville.com. Écoutez, vous autres, là, vous écoutez Radio Centre-Ville, 5 FM, la radio communautaire, multilingue, à Montréal. C'est correct, ça? Manquez pas ça. Bonne journée. Mardi 3 octobre 2006, bon matin tout le monde, vous écoutez les matins musicaux d'Alain Marié jusqu'à 9h et ce pour